Radiomatique. Love of the never man. La transmission 483 d'Audiomatic s'ouvrait sur une composition de Peter Murphy, le chanteur de la défunte formation Bauhaus. De son premier album solo Should the World Fail to Fall Apart, paru en 1986, nous avons écouté la pièce Neverman. Et maintenant, c'est au tour du groupe français Slift d'assurer la continuité Audiomatic. Nous avions droit à Audiomatic au groupe français Slift de son troisième et plus récent album Elion, paru le 19 janvier 2024. Nous vous avons présenté la pièce The Story That Has Never Been Told. Audiomatic se poursuit sur la musique du percussionniste sud-africain Asher Gamed. Audiomatic, nous venons d'entendre le projet Muslim Gaz et la pièce Benazir Bhutto's Hands Are Clean, tirée de l'album Jal Abdullah, paru en 1997. Avant Muslim Gaz, on écoutait l'ensemble afro-péruvien Percutao mené par le percussionniste Percy Chinchilla. De l'unique album Miss Ancestros, publié en 2022 chez Boo Records, nous entendions la pièce Mentis Religiosa. Et pour amorcer la séquence, c'était le groupe mené par Asher Gameds qui nous offrait Locomotion, une pièce se trouvant sur le plus récent album Turbulence and Pulse, sorti en 2023. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec la formation américaine Devochka. good. One, two, test, check, check. We're live here. It might be a bit hot. One, two, we're live. Paris 18e. Is that where we are? 18? Yeah. I wanted to talk to you in an interview style about Summer Camp, that song. I wanted to know what you think is working and what is not working on this song. Well, now with the vocals, I have the feeling that something is giving a lead somehow. I mean, something like we remember. Like, what would be the gimmick? The gimmick is not kind of easy to find somehow, right? So now I have the feeling we have a little more of something coming up, no? I agree. I think that for me, the fundamental problem is kind of, I mean, I think the vocal addresses that, but I think, I mean, it helps because it adds a certain kind of like melody or some kind of direction. But there's something about the arrangement of the song where it's like a groove, and then there's like this cool beat, and then there's like a cool breakdown kind of at the end. But there's nothing that really kind of it doesn't really have like a trajectory. It's just kind of cool. You know what I mean? Okay, you're saying like everything is cool, but at the end it's not cool. No, I'm saying that I think everything is cool, and I think the end is actually like the best part, in the sense that like I think it's the most melodic, but it doesn't really make it. I don't feel like, why are we even going there at all? Like, what is like? Like, it's all these cool elements, but there's no like. I guess it's lacking. Maybe what I would say is like melodic or some kind of hook that gives like purpose to the song. Otherwise, it feels like dope groove, and then it kind of like groove on that, and then it goes into this other thing that's also cool, but it's not really the same thing as stuff before, and it's not. But it's not different enough to be like a contrasting. C'était à Audiomatic le duo High Season, formé de l'artiste française Chloé Thévenin et du chanteur du groupe montréalais Soons, Ben Chemie. De leur premier album The Call, sorti en 2023, nous entendions la pièce Summer Camp. Précédemment à High Season, il s'agissait de l'artiste américain Ty Segall, de son 15e album studio intitulé Three Bells, lancé le 26 janvier 2024, nous vous avons offert la chanson Donné. Et ce qui amorçait ce bloc musical était la pièce Sunshine de la formation américaine Devoshka, extraite de son cinquième album 100 Lovers, paru en 2011. Cette transmission d'Audiomatique se conclura sur le projet Los Indeseables, mené en solo par Kimba Vilis, membre de la formation punk Leucemia. De son album démo et unique parution réalisée en 1985, intitulé El Perfecto Ruido, nous allons écouter la pièce Centrosis. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatique. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatique-cfou si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Alors voici pour terminer Los Indeseables et la pièce Centrosis. C'était Audiomatique avec les sonoristes. Alrededor se extinguen, cuidado, luz y sigue. reggae.